Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gameozo 107 FM en ce mercredi 5 juin. C'est Chris et je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième numéro de En route vers l'insertion. Souvenez-vous, la semaine dernière, j'avais reçu dans les locaux de Radio Gameozo Sylvain Jung, directrice de l'association ETEX. Et aujourd'hui, je reçois Amandine Mayer, Aurélia Garnier et une jeune de la mission locale, Marine. Donc bonjour. Donc ceci est donc le premier numéro de En route vers l'insertion avec la mission locale. Et ça se renouvellera du coup une fois toutes les deux semaines. La prochaine émission donc avec la mission locale aura donc lieu le mercredi 12 juin à 11h30 et rediffusée le samedi 15 juin à 13h. Mais on n'y est pas encore, donc nous allons passer directement au vif du sujet. Il est bon de rappeler que la mission locale est ouverte à tous les jeunes de 16 à 25 ans. Et justement, une question me vient en tête directement. Pourquoi de 16 à 25 ans et pas au-delà de 25 ans? Pour moi, c'est réglementaire. Ouais, ouais. C'est une décision qui a été fixée par l'État, puisque les missions locales sont des associations regroupées en associations régionales, nationales, et souvent financées par une bonne partie par l'État, les communautés de communes. Donc les règles sont fixées par l'État. Donc Amandine et Aurélia, justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir travailler à la mission locale du pays de Remiremont et de ses vallées? Alors moi, c'est un peu différent d'Aurélia, puisque j'ai commencé à la mission locale en tant qu'assistante administrative, donc j'étais chargée d'accueil. D'accord. Et j'aidais pas mal la direction sur tout ce qui était administratif. Et j'ai souhaité évoluer sur le métier de conseillère que je ne connaissais pas auparavant. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis passée conseillère, donc c'est pas vraiment un choix, ça s'est fait comme ça, en fait. J'ai découvert la mission locale et le métier de conseillère petit à petit. D'accord. Alors pour moi, c'est différent parce que j'ai fait une reconversion professionnelle. Je suis sortie de 15 ans de banque. Je suis repartie à la fac faire une licence ressources humaines. Et j'ai fait mon stage de licence à la mission locale de Remiremont. Puis je suis partie une année à la mission locale d'Épinal en tant que conseillère. Je suis revenue à la mission locale de Remiremont pour remplacer une collègue qui était sur les emplois d'avenir. Et c'est là que j'ai retrouvé ce que j'aimais par-dessus tout, la partie relationnelle, et que j'ai développé le poste entreprise, donc chargé relations entreprise. D'accord. Et du coup, ça fait en tout combien de temps que vous travaillez? À la mission locale, j'y suis depuis 2014. Et Amandine? 2015, d'accord. Aurélia, justement, quel est votre rôle, votre travail à la mission locale? Alors moi, je suis chargée relations entreprises. La première, c'est que j'anime l'équipe entreprise où nous sommes 4 conseillers à l'intérieur de l'équipe. Et mon rôle, en plus, c'est d'être tout ce qui est avec les entreprises, de prendre leurs offres d'emploi, d'effectuer les recrutements, de diffuser les offres sur le site internet, de les appuyer, les entreprises, quand elles souhaitent mettre une politique, ce qu'on appelle actuellement RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. On appuie aussi les candidatures par l'intermédiaire de stages, on fait les bilans de stages, on renseigne les entreprises sur les aides qu'elles peuvent avoir à l'embauche. Et mon lien aussi, c'est en même temps de travailler aussi en partenariat avec Pôle emploi et toutes les institutions. D'accord. Et du coup, Amandine, vous faites le même boulot? Alors, j'ai une petite partie comme Aurélia, je suis un petit peu sur la relation entreprise, mais je fais également de l'accompagnement de jeunes. D'accord. Je suis sur le secteur de Vecourt, rue Fraisse. Où j'accompagne des jeunes, donc, enfin, pas tout simplement, mais enfin, dans l'accompagnement classique de la mission locale. D'accord. Et donc, pouvez-vous nous présenter la relation entreprise de la mission locale avec, du coup, les entreprises, ainsi que le fonctionnement de la mission locale? Alors, c'est pour moi, je m'y colle. Donc, l'équipe entreprise, comme je le disais tout à l'heure, on est composé de 4 conseillers. L'équipe entreprise a été créée avec le soutien du FSE, du Fonds social européen. Elle s'occupe, donc c'est une offre de service qu'on a créée de toutes pièces et qui d'ailleurs, chaque mission locale est indépendante, donc chaque mission locale n'a pas forcément une équipe entreprise. C'était adapté donc pour les jeunes et pour les entreprises. Donc plusieurs axes. Le premier, donc l'appui à la mise en œuvre d'une politique de responsabilité sociale d'entreprise, l'appui à l'émergence de candidatures sur les métiers et les offres d'emploi, l'appui à l'intégration des jeunes, l'appui au recrutement. Et on essaye de développer toute une partie parrainage actif où les entreprises peuvent soit recevoir dans leur mur, soit venir à la mission locale pour aider les jeunes à préparer un entretien d'embauche, découvrir le métier. En gros, transmettre aussi les valeurs de l'entreprise. Et donc, du coup, Amandine, toi, tu es une jeune à la mission locale. Ah non, Marie, moi, je suis plus trop jeune. Pardon. Ça me fait plaisir. Du coup, donc, tu es une jeune à la mission locale. Tu es suivie par... Amandine, oui. Amandine, du coup. Et depuis combien de temps es-tu à la mission locale? Ça va faire un an, là. D'accord. Et comment tu as connu la mission locale? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'en a parlé dans les journaux? En fait, j'avais des copines à moi qui étaient déjà inscrites. Et puis, comme je cherchais du boulot et que j'en trouvais pas, elles m'ont conseillé d'aller m'inscrire. Et donc, j'y suis allée, je me suis inscrite. Et voilà, depuis, Amandine me suit. D'accord. Et du coup, est-ce que tu conseillerais aux jeunes qui nous écoutent de venir à la mission locale ou pas? Oui, je conseillerais aux jeunes de venir parce que c'est vrai que voilà, on n'a pas, on n'y pense pas forcément, mais quand on trouve pas de boulot ou qu'on sait plus trop quoi faire, je pense que c'est bien de passer la porte de la mission locale. Il y a d'autres jeunes et puis il y a des conseillers qui sont dispo pour nous aider un peu. Par exemple, Amandine, elle m'a proposé de faire une sortie équitation. Moi, j'en avais jamais fait. C'est des actions que met en place la mission locale. Et du coup, oui, je conseille vraiment les jeunes de pousser la porte. D'accord. La mission locale, est-ce que la mission locale organise un événement futur, quelque chose en particulier ou pas? Alors, la mission locale organise en partenariat avec Face Vosges ce jeudi, donc jeudi 6 juin, d'accord, à la salle polyvalente de Saint-Étienne-lès-Remiremont, un match pour l'emploi. Match pour l'emploi qui va se dérouler en deux temps, puisque le matin sera à destination des entreprises avec différents stands, le stand de Pôle emploi, la mission locale, le conseil départemental et la région Grand Est qui sont là pour apporter des réponses aux entreprises en termes de formation, d'emploi, d'aide à l'emploi, de recrutement. Et l'après-midi, à destination des demandeurs d'emploi, donc un forum, 14h-17h, où là, il y aura trois pôles. Le pôle apprentissage, donc contrat en alternance, contrat de pro, le pôle offre d'emploi et le pôle intérim. À l'heure d'aujourd'hui, on a environ 300 offres d'emploi et une bonne quarantaine d'entreprises présentes. D'accord. Et du coup, vu qu'on parle des entreprises, je me retourne vers Marine. Depuis que tu es à la mission locale, est-ce que justement la mission locale t'a permis de faire des stages ou des immersions en entreprise ou pas? Ouais, du coup, j'ai fait un stage, mais là, dernièrement, j'avais participé au job dating intérim où il y avait plusieurs agences intérim. Alors, il y avait Actua, Adeco, et en fait, j'y suis allée et ça m'a permis de décrocher de l'intérim pendant un mois. D'accord. Et du coup, pour les jeunes, est-ce qu'il y a des conditions pour accéder aux services qu'offre la mission locale ou pas? Effectivement, il faut faire partie donc, de la population 16-25 ans, déscolarisée et sur notre territoire d'action. Par contre, toutes nos actions qu'on met en place sont ouvertes à tous les jeunes de la mission locale sans condition. D'accord. Et même plus des fois. Voilà, comme le match pour l'emploi est ouvert à tout demandeur d'emploi. D'accord. Et donc, pour que le jeune bénéficie de ces services, donc il faut être de la vallée, enfin de la région, enfin de... 38 communes. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres conditions ou pas, à part être déscolarisé et faire partie de la vallée? Non. Est-ce qu'ils doivent s'engager à faire quelque chose ou pas? Par exemple, à participer régulièrement à des événements ou... Non, après, c'est eux qui choisissent un petit peu leur accompagnement. Si ils n'ont pas envie, on ne va pas les forcer non plus. Donc, c'est sur la base du volontariat, la mission locale. Donc, c'est soit il vient et il fait, soit il fait pas. Et voilà, on pourra rien pour lui, quoi. Donc, on va s'octroyer une petite pause musicale. Ça va être les Fatal Picard, la sécurité de l'emploi. Et on se retrouve juste après. Ils sont marrants, cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qu'il aura piqué? Lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé? Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année,

disons que comme je galérais un peu à trouver du boulot, c'est vrai que je me sentais un peu isolée, quoi, un peu seule. Je savais pas trop par où commencer, comment faire. En plus, je suis un peu timide, donc c'était compliqué pour moi. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui me suit régulièrement comme ça, avec qui je peux discuter, ça aide beaucoup et c'est motivant. D'accord, donc tu t'es sentie vraiment soutenue par Amandine? Ouais, énormément, ouais. D'accord. Et de combien de jeunes, pardon, vous vous occupez à la mission locale en tout? Si vous savez à peu près, ça faisait un ordre d'idée ou... En contact, 1500 à peu près en contact. D'accord. Après, en entretien, c'est un petit peu moins, c'est, je crois que c'est aux alentours de 900. Mais en contact, c'est parce qu'on les a appelés pour avoir un petit point sur leur situation, savoir s'ils sont toujours en emploi ou en recherche. Mais sinon, en entretien, ouais, je pense à peu près 900 jeunes qui viennent en entretien à la mission locale. Comment ça se passe, un suivi d'un jeune à la mission locale? Est-ce que c'est régulier ou combien, ils viennent tous les combien de temps? Ça dépend un petit peu du jeune et de son projet, je dirais. Il y a des jeunes qui ont besoin qu'on se voit régulièrement, comme Marine, c'est à peu près toutes les 3 semaines. Où on se rend compte pour faire un point d'étape où elle en est dans ses démarches. D'accord. Sinon, il y a des jeunes qui sont beaucoup plus autonomes et qui n'ont pas besoin de venir forcément me voir en entretien. Ça peut être des fois juste un petit appel pour me dire « Tiens, salut Amandine, j'ai trouvé un boulot, je commence une mission intérim de 2 jours. » Donc là, on se voit peut-être une fois tous les 2 mois. Enfin, c'est vraiment en fonction des besoins et en fonction de chaque jeune. D'accord, ok. Amandine, vous vous occupez donc des jeunes. Mm-hmm. Et Aurélia, pareil, je suppose. Alors moi je m'occupe aussi d'une partie des jeunes en fait. Je m'occupe des jeunes qu'on appelle à la mission locale dans notre jargon des prêts à l'emploi. C'est-à-dire où mes collègues ont déjà levé tous les freins qui pouvaient exister. Donc le projet a été vu, voire validé. Il peut y avoir encore des soucis de mobilité, mais ils ont déjà travaillé dessus pour trouver. Et moi, je m'occupe des jeunes qui sont vraiment proches de l'emploi ou avec les entreprises, j'essaye de leur trouver soit un contrat en alternance, soit un CDD, soit des contrats aidés aussi, soit des services civiques par l'intermédiaire de Maxime aussi, qui est référent service civique, où j'essaye de les mettre en parrainage pour qu'ils puissent travailler leur présentation, qu'ils puissent travailler... parle beaucoup, les employeurs sont beaucoup à la recherche de savoir-être. À l'heure d'aujourd'hui, c'est beaucoup ce qui ressort quand ils ont des prérequis. Donc, on va essayer de travailler les savoir-être. Voilà, moi, le type de jeunes que j'accompagne, et j'en ai environ 80 par an. D'accord. Et donc, vous avez parlé des freins à l'emploi. Quels sont ces freins, justement? Alors, les freins, en fait, je dirais qu'elles sont à chaque jeune différent, puisque c'est chaque jeune qui a ses propres freins à lui personnellement. À nous de travailler avec le jeune pour déjà les faire émerger et essayer de les résoudre quand on peut et quand le jeune est prêt. D'accord. Parce qu'on peut être à côté du jeune, on peut l'aider, mais on ne fera pas à sa place. Et ce qu'on disait tout à l'heure, nos priorités ne sont pas forcément les priorités du jeune à l'instant T. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des freins qui reviennent le plus souvent? Est-ce qu'il y en a des plus communs que d'autres ou... On a quand même beaucoup le problème de mobilité, surtout dans certaines villes ou même villages où il y a très peu de transports en commun. Donc ça, c'est un vrai frein aujourd'hui. Donc c'est déjà passer le permis. Hein, si on peut donner un conseil, c'est passer le permis. Maintenant, effectivement, c'est un budget aussi, ça on le sait bien. Mais aujourd'hui, c'est une vraie réalité. Sans permis, dans notre secteur, c'est très compliqué de trouver un emploi. D'accord. Et aussi, je pense, un frein qui revient, mais qui est la méconnaissance de tous les métiers qui existent. Une mauvaise image des métiers du textile, de l'industrie, qui date des parents, des arrière-grands-parents. Voilà, c'est vraiment une méconnaissance des métiers et qui recrute, puisque c'est des métiers où il y a vraiment des besoins qu'on n'arrive pas à couvrir, mais qui sont méconnus. Est-ce que ces métiers font des actions pour aider les jeunes, ou même vous, est-ce que vous avez des partenaires avec ces entreprises, un genre de partenariat? Ouais, là, le 14 juin à 10h, on fait une information collective à destination du recrutement de tout ce qui est textile. D'accord. Puisque il y a énormément de personnes dans le textile qui vont avoir un âge avancé, donc l'âge de départ à la retraite, qui ne sont pas remplacées. Donc on a le syndicat textile de l'Est qui vient nous présenter tous les recrutements qu'il va y avoir jusque 2020-2021 même, et les actions de formation qui seront mises en place pour former les jeunes ou les moins jeunes, parce que là c'est pareil, c'est ouvert à tout demandeur d'emploi pour pouvoir être formé et prendre le poste. D'accord. Et si je peux rajouter, on organise également des visites d'entreprise pour que les jeunes aillent directement sur place et se rendent compte vraiment des métiers et comment ça se passe dans l'industrie ou dans le textile. Donc on visite assez fréquemment des entreprises du secteur. D'accord. Et justement, ces visites d'entreprise, tous les combien de temps à peu près? Est-ce que vous avez des intervalles réguliers, des visites régulières ou pas? Non, il n'y a pas vraiment de saisonnalité. Là, on en a fait dernièrement, on va en refaire en septembre. En octobre, donc, voilà, ça dépend un petit peu des besoins aussi des entreprises qui recrutent. Et donc justement, pourquoi les jeunes ne sont-ils pas familiarisés? Donc là, je me retourne vers Marine. À ton avis, pourquoi les jeunes ne se sont-ils pas familiarisés avec ces métiers avant d'entrer à la mission locale ? Bonne question. Je ne sais pas, c'est vrai que... Bah, là, Aurélia, elle parle des métiers du textile. Enfin, moi, perso, ça ne me viendrait pas du tout à l'esprit de me tourner vers ces métiers-là. Et pourtant, les métiers du textile, il est bon de noter que c'est des métiers vosgiens de base. Donc c'est dommage. Et du coup, vu qu'on parle de mobilité tout à l'heure, est-ce que la mission locale offre des aides à la mobilité, pardon ? Alors je ne vais pas rentrer trop dans le sujet parce que je pense que ce sera l'occasion d'une prochaine émission que vous rencontrerez notre collègue qui s'occupe de la mobilité. D'accord. Mais on fait des choses à la mission locale pour aider les jeunes à passer le permis. Je ne parle pas que financièrement, bien sûr, parce qu'on n'a pas non plus un budget très conséquent, mais on aide quand même les jeunes. Mais là, ça, je laisserai Maxime vous l'expliquer. L'émission touche à sa fin, du coup. Donc, je vous laisse le mot de la fin, si vous avez quelque chose à dire. Venez tous jeudi au match pour l'emploi. Avec votre CV. Voilà. C'est ainsi que se termine cette deuxième édition de En route vers l'insertion. Donc, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Et comme je l'ai dit en début d'émission, on se retrouve du coup dans 2 semaines avec de nouveau la mission locale pour une nouvelle émission, mais la semaine prochaine avec un autre invité. En attendant, moi je vous laisse. Merci d'être aussi fidèle à Radio Gémozo et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.